Vas-y, dis-nous un truc, ce que tu veux. Ah, je sais ce que tu peux nous dire si tu veux. Je te propose, j'avais proposé aux filles après, mais elles avaient fait à la fin. Peut-être que tu pourras le refaire à la fin si tu as changé d'idée. Elles avaient fait une phrase pour dire je m'appelle avec leur nom de voilà, l'étiquette, et j'ai tel âge, et pourquoi je suis là ce soir. Ok ? Ok. Tu peux réfléchir si tu as besoin. De toute façon, on fait juste un petit micro et on te le refera la même question à la fin. D'accord ? Vas-y. On est d'accord ? Attends. C'est comme un débat. Ouais. Du coup, je peux utiliser le terme débat ? Bien sûr, tout à fait. Bah, c'est bon, alors j'ai une phrase en long. Alors, attends, c'est ce qu'on va faire, je vais faire pour eux. Bonjour, je m'appelle Farou, j'ai 14 ans et je vais vous parler de plusieurs débats.